Chapitre 3 de la continuité de la famille. Célibat interdit, divorce en cas de stérilité. Inégalité entre le fils et la fille. Les croyances relatives aux morts et au culte qui leur étaient dues ont constitué la famille ancienne et lui ont donné la plupart de ses règles. On a vu plus haut que l'homme, après la mort, était réputé un être heureux et divin, mais à la condition que les vivants lui offrissent toujours le repas funèbre. Si ces offrandes venaient à cesser, il y avait déchéance pour le mari, il y avait déchéance pour le mort, qui tombait au rang de démon malheureux et malfaisant. Car lorsque ces anciennes générations avaient commencé à se représenter la vie future, elles n'avaient pas songé à des récompenses et à des châtiments. Elles avaient cru que le bonheur du mort ne dépendait pas de la conduite qu'il avait menée pendant sa vie, mais de celle que ses descendants avaient à son égard. Aussi chaque père attendait-il de sa postérité la série des repas funèbres qui devaient assurer à ses mânes le repos et le bonheur. Cette opinion a été le principe fondamental du droit domestique chez les anciens. Il en a découlé d'abord cette règle que chaque famille dut se perpétuer à jamais. Les morts avaient besoin que leur descendance ne s'éteignît pas. Dans le tombeau où ils vivaient, ils n'avaient pas d'autre sujet d'inquiétude que celui-là. Leur unique pensée, comme leur unique intérêt, était qu'il y eût toujours un homme de leur sang pour apporter les offrandes au tombeau. Aussi l'hindou croyait-il que ces morts répétaient sans cesse « Puisse-t-il naître toujours dans notre lignée des fils qui nous apportent le riz, le lait et le miel ?» L'hindou disait encore « L'extinction d'une famille cause la ruine de la religion de cette famille. Les ancêtres privés de l'offrande des gâteaux tombent au séjour des malheureux. » Les hommes de l'Italie et de la Grèce ont longtemps pensé d'eux-mêmes. S'ils ne nous ont pas laissé dans leur récit une expression de leur croyance, aussi nette que celle que nous trouvons dans les vieux livres de l'Orient, du moins leurs lois sont encore là pour attester leurs antiques opinions. À Athènes, la loi chargeait le premier magistrat de la cité de veiller à ce qu'aucune famille ne vînt à s'éteindre. De même, la loi romaine était attentive à ne laisser tomber aucun culte domestique. On lit dans un discours d'un orateur athénien « Il n'est pas un homme qui, sachant qu'il doit mourir, ait assez peu de soucis de soi-même pour pouvoir laisser sa famille sans descendants, car il n'y aurait alors personne pour lui rendre le culte qui est dû aux morts. » Chacun avait donc un intérêt puissant à laisser un fils après soi, convaincu qu'il y allait de son immortalité heureuse. C'était même un devoir envers les ancêtres dont le bonheur ne devait durer qu'autant que durait la famille. Aussi les lois de Manou appelle-t-elle le fils aîné, celui qui est engendré pour l'accomplissement du devoir. Nous touchons ici à l'un des caractères les plus remarquables de la famille antique. La religion qui l'a formée exige impérieusement qu'elle ne périsse pas. Une famille qui s'éteint, c'est un culte qui meurt. Il faut se représenter ces familles à l'époque où les croyances ne sont pas encore altérées. Chacune d'elles possède une religion et des dieux, précieux dépôts sur lesquels elle doit veiller. Le plus grand malheur que sa piété ait à craindre est que sa lignée ne s'arrête, car alors sa religion disparaîtrait de la terre, son foyer serait éteint, toute la série de ses morts tomberait dans l'oubli et dans l'éternelle misère. Le grand intérêt de la vie humaine est de continuer la descendance pour continuer le culte. En vertu de ses opinions, le célibat devait être à la fois une impiété grave et un malheur. Une impiété parce que le célibataire mettait en péril le bonheur des mânes de sa famille. Un malheur parce qu'il ne devait recevoir lui-même aucun culte après sa mort et ne devait pas connaître ce qui réjouit les mânes. C'était à la fois pour lui et pour ses ancêtres une sorte de damnation. On peut bien penser qu'à défaut de loi, ses croyances religieuses durent longtemps suffire pour empêcher le célibat. Mais il paraît de plus que dès qu'il y eut des lois, elles prononcèrent que le célibat était une chose mauvaise et punissable. Denis d'Halicarnasse, qui avait compulsé les vieilles annales de Rome, dit avoir vu une ancienne loi qui obligeait les jeunes gens à se marier. Le traité des lois de Cicéron, traité qui reproduit presque toujours sous une forme philosophique les anciennes lois de Rome, en contient une qui interdit le célibat. À Sparte, la législation de Lycurgue privait de tous les droits de citoyen l'homme qui ne se mariait pas. On sait par plusieurs anecdotes que lorsque le célibat cessa d'être défendu par les lois, il le fut encore par les mœurs. Il paraît enfin par un passage de Pollux que dans beaucoup de villes grecques, la loi punissait le célibat comme un délit. Cela était conforme aux croyances. L'homme ne s'appartenait pas, il appartenait à la famille. il était un membre dans une série, et il ne fallait pas que la série s'arrêtât à lui. Il n'était pas né par hasard, on l'avait introduit dans la vie, pour qu'il continuât un culte. Il ne devait pas quitter la vie sans être sûr que ce culte serait continué après lui. Mais il ne suffisait pas d'engendrer un fils. Le fils qui devait perpétuer la religion domestique devait être le fruit d'un mariage religieux. Le bâtard, l'enfant naturel, celui que les Grecs appelaient « noutos » et les Latins « spurius » ne pouvait pas remplir ce rôle que la religion assignait au fils. En effet, le lien du sang ne constituait pas à lui seul la famille, et il fallait encore le lien du culte. Or, le fils né d'une femme qui n'avait pas été associée au culte de l'époux par la cérémonie du mariage ne pouvait pas lui-même avoir part au culte. Il n'avait pas le droit d'offrir le repas funèbre, et la famille ne se perpétuait pas pour lui. Nous verrons plus loin que, pour la même raison, il n'avait pas droit à l'héritage. Le mariage était donc obligatoire. Il n'avait pas pour but le plaisir. Son objet principal n'était pas l'union de deux êtres qui se convenaient et qui voulaient s'associer pour le bonheur et pour les peines de la vie. L'effet du mariage, aux yeux de la religion et des lois, était, en unissant deux êtres dans le même culte domestique, d'en faire naître un troisième qui fut apte à continuer ce culte. On le voit bien par la formule sacramentelle qui était prononcée dans l'acte du mariage. « Duxere uxerum, liberum quad erandum, causa » disaient les Romains. « Peignode paroto, niaxion » disaient les Grecs. Le mariage n'étant été contracté que pour perpétuer la famille, il semblait juste qu'il pût être rompu si la femme était stérile. Le divorce dans ce cas a toujours été un droit chez les anciens. Il est même possible qu'il ait été une obligation. Dans l'Inde, la religion prescrivait que la femme stérile fût remplacée au bout de 8 ans. Que le devoir fût le même en Grèce et à Rome, aucun texte formel ne le prouve. Pourtant, Hérodote cite 2 rois de Sparte qui furent contraints de répudier leurs femmes parce qu'elles étaient stériles. Pour ce qui est de Rome, on connaît assez l'histoire de Carvilius Ruga, dont le divorce est le premier que les annales romaines aient mentionné. Carvilius Ruga, dit au Lugel, homme de grande famille, se sépara de sa femme par le divorce parce qu'il ne pouvait pas avoir d'elle des enfants. Il l'aimait avec tendresse et n'avait qu'à se louer de sa conduite, mais il sacrifia son amour à la religion du serment parce qu'il avait juré, dans la formule du mariage, qu'il la prenait pour épouse afin d'avoir des enfants. La religion disait que la famille ne devait pas s'éteindre. Toute affection et tout droit naturel devaient céder devant cette règle absolue. Si un mariage était stérile par le fait du mari, il n'en fallait pas moins que la famille fût continuée. Alors un frère ou un parent du mari devait se substituer à lui, et la femme était tenue de se livrer à cet homme. L'enfant qui naissait de là était considéré comme fils du mari, et continuait son culte. Telles étaient les règles chez les anciens hindous. Nous les retrouvons dans les lois d'Athènes et dans celles de Sparte. Tant cette religion avait d'empire, tant le devoir religieux passait avant tous les autres. À plus forte raison, les législations anciennes prescrivaient le mariage de la veuve, quand elle n'avait pas eu d'enfant, avec le plus proche parent de son mari. Le fils qui naissait était réputé fils du défunt. La naissance de la fille ne remplissait pas l'objet du mariage. En effet, la fille ne pouvait pas continuer le culte, par la raison que le jour où elle se mariait, elle renonçait à la famille et au culte de son père, et appartenait à la famille et à la religion de son mari. La famille ne se continuait comme le culte que par les mâles, fait capital dont on verra plus loin les conséquences. C'était donc le fils qui était attendu, qui était nécessaire. C'était lui que la famille, les ancêtres, le foyer réclamaient. Par lui, disent les vieilles lois des hindous, un père acquitte sa dette envers les mânes de ses ancêtres et s'assure à lui-même l'immortalité. Ce fils n'était pas moins précieux aux yeux des Grecs, car il devait plus tard faire les sacrifices, offrir le repas funèbre et conserver par son culte la religion domestique. Aussi, dans le vieil Échille, le fils est-il appelé le sauveur du foyer paternel. L'entrée de ce fils dans la famille était signalée par un acte religieux. Il fallait d'abord qu'il fût agréé par le père. Celui-ci, à titre de maître et de gardien viager du foyer, de représentant des ancêtres, devait prononcer si le nouveau venu était ou n'était pas de la famille. La naissance ne formait que le lien physique. La déclaration du père constituait le lien moral et religieux. Cette formalité était également obligatoire à Rome, en Grèce et dans l'Inde. Il fallait de plus pour le fils, comme nous l'avons vu pour la femme, une sorte d'initiation. Elle avait lieu peu de temps après la naissance, le 9e jour à Rome, le 10e en Grèce, dans l'Inde le 10e ou le 12e. Ce jour-là, le père réunissait la famille, appelait des témoins et faisait un sacrifice à son foyer. L'enfant était présenté au dieu domestique. Une femme le portait dans ses bras et en courant lui faisait faire plusieurs fois le tour du feu sacré. Cette cérémonie avait pour double objet d'abord de purifier l'enfant, c'est-à-dire de lui ôter la souillure que les anciens supposaient qu'il avait contractée par le seul fait de la gestation, ensuite de l'initier au culte domestique. À partir de ce moment, l'enfant était admis dans cette sorte de société sainte et de petite église qu'on appelait la famille. Il en avait la religion, il en pratiquait les rites, il était apte à en dire les prières, il en honorait les ancêtres, et plus tard, il devait y être lui-même un ancêtre honoré.